tua grande lasciami, oh Signor. Lo so che la nativa tu se mandoni, sapendo o silenzio che monte di sol. La libretta s'alterna, la rosa soffì. Son chant mélodieux d'inspiration divine, ces notes fulgurantes vivant d'un pur cristal, et les modulations que sa gorge profile font de ce musicien un chanteur sans égal. Je vivrai 200 ans que j'aurai en mémoire, l'éblouissant concert d'un rossignol mon prix. Des jardins sur le bord de la Seine, minute exactante pour lequel l'esprit. Chanter pour résumer aussi l'enchanteur, sa virtuosité nous plonge dans l'extase, ton chagrin, ton souci, tu en fais table rase, ton registre éternel, c'est le chant du bonheur. Si vous avez un soir la chance de l'entendre, savourez cet instant magique et merveilleux, où le temps disparaît en nous faisant comprendre que le chant de rossignol est la preuve de Dieu. Vers les printemps nouveaux et des étés brûlants.